Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et l'étoile nocturne. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est l'étoile nocturne? L'étoile a la lumière pénétrante. Il n'est pas d'âme qui n'est son ange gardien. Que l'homme voit donc de quoi il est créé. Il est créé d'une eau qui gicle, sortant d'entre les reins de l'homme et les côtes de la femme. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les secrets seront révélés, il n'aura ni force ni soutien. Par le ciel qui fait revenir régulièrement la pluie, par la terre qui se fend quand les graines viennent à pousser. C'est là, certes, une parole décisive, et non point des propos frivoles. Ils rusent de leur meilleure ruse, et je ruse de ma meilleure ruse. Accorde un délai aux mécréants, donne leur répit pour quelque temps.